Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 78e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme chaque semaine, c'est la Vampire Freaks, et je vous souhaite la bienvenue. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos messages et dédicaces que vous m'avez laissés la semaine dernière. Tous vos encouragements, ça me touche beaucoup. Continuez comme ça, c'est excellent, merci. On commencera tout de suite avec Fight the Good Fight de The Walls of Jericho. C'est sur l'album No One Can Save You From Yourself, qui est sorti le 25 mars 2016. On retrouve Illusion and of Safety, Relentless and Beyond All Praise. Un excellent album. On continuera avec une nouveauté, Take Me, le nouveau Korn. C'est sur l'album de Serenity of Suffering, leur 12e album sorti le 21 octobre dernier. On retrouve Rotting in Vain, Everything Fall Apart et Next in Life, un bon retour aux sources par rapport à l'album dubstep qu'ils avaient fait avant. On continuera avec un bon son vinyle, Eruption de Van Halen. C'est sur Van Halen, leur premier album sorti le 10 février 1978. On retrouve Running with the Devil, You Really Got Me et Atomic Punk notamment. Un album qui vieillit vachement bien. On s'écoutera ensuite une bonne vieille cassette, Cornucopia de Black Sabbath. C'est sur le volume 4, leur quatrième album, sorti le 25 octobre 1972. On retrouve Tomorrow's Dream, Changes et Snowblown. Un excellent album qui vieillit super bien. Et on finira ce bloc en live avec I Love King Selassie de Black Uhuru. C'est sur l'album Love Crisis, sorti en 1977. On retrouve Crisis for Love, Tonight is the Night to Unite. Très dur à dire ça. Et Hard Crowd, content de vous faire découvrir, parce que c'est très peu connu par chez nous. I walk the path every day. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Yeah. Vous êtes toujours dans la 78e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Fight the Good Fight de Walls of the Jericho. Take Me, le nouveau Korn. Eruption en vinyle de Van Halen. Cornucopia, la corne d'abondance en cassette de Black Sabbath. Et on a fini ce bloc en live avec I Love King Selassie de Black Uhuru. On poursuivra cette émission avec une nouveauté, Ivory Tower de Meshuggah. C'est sur l'album The Violent Sleep of Reason, leur 8e album sorti le 7 octobre 2016. On retrouve Clockworks, By the Tone et Outrage Won't Die. Un excellent album. On poursuivra avec Devil's Complaint de Post 942. C'est sur l'album Extended Play 2, leur 2e EP, 3 titres sortis en 2016. On retrouve Devil's Complaint, 49.3 et Opium for the Macy's. Leur premier album va sortir à la fin du mois. Des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Post 942. Viendez liker et surtout partagez. On continuera avec une autre nouveauté, La Peste et le Choléra, le nouveau Danko Jones, et c'est un album à sortir début du mois là. Des nouvelles très vite. On poursuivra avec Give I Trust de Bunju Banton, c'est sur l'album Inna Hates, sorti le 18 novembre 1997. On retrouve Our Father in Zion, Inner Lingua et Mother's Cry, un très très bon album. Et on finira ce bloc en live avec un classique et du son culte, Maybe I'm a Leo en live de Deep Purple, c'est sur l'album Machine Head, leur sixième album sorti le 25 mars 1972. On retrouve Highway Star, Never Before et Smoke on the Water. Yeah. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Yeah. se ferme ses bras. Vous isole toi et les autres migrants à l'intérieur de nouveaux camps. Il faudra s'y faire dorénavant. La pitié s'arrête aux portes de l'argent. Stop! On vient de se faire un bon bloc là. Ivory Tower, le nouveau Meshuga. Devil's Complaint de Post 942. La Peste et le Choléra, le nouveau Tagada Jones. Give I Trance de Buju Banton. Et on a fini ce bloc en live avec Maybe I'm a Leo de Deep Purple. Et oui, ça existe du Deep Purple court. Ça existe. On poursuivra cette émission avec un bon son vinyle, la Rage au corps de Brigada Forest Magon. C'est sur l'album Tout pour tous, sorti le 22 octobre 2007. On retrouve Chien de guerre, Police, Bienvenue en enfer, et un album qui vieillit plutôt pas trop mal. On continuera avec une autre nouveauté de There Will Be Blood, le nouveau Sum 41, c'est sur l'album 13 Voices, leur 7e album sorti le 7 octobre 2016. On retrouve Fate My Own Death, War et The Fall and Rise, un super album. Allez, on va faire un petit détour en rap. On va s'écouter Vapeur Toxique de Don Choa, qui c'est aussi le titre de cet album sorti en novembre 2002. On retrouve Petit Bordel 2, La Vérité Blesse et Docteur Hannibal. Il vient de sortir un single, Vieille Gloire. Il annonce un EP pour mi-avril. Des nouvelles très très vite. Don Choa, c'est le petit gars sans gêne. On continuera ensuite en reggae avec The Poor Man Feel It de Peter Tosh. C'est sur l'album Wanted Dead or Alive, sorti en juin 81. On retrouve Coming Hot, Nothing But Love et Rastafari Is. Et on finira ce bloc en live avec le balayeur de Tikenja Fakoli. C'est sur l'album France-Afrique, sorti en 2002. Alors on retrouve Justice, Y en a marre, Le Pays va mal. Mais là, c'est extrait du Super Live à Paris en 2002. La rage au corps, il nous reste. m'a pas dit comment faire. Dans les cuisines de l'enfer ou les égouts du paradis. Tu sens ce goût de maladie, entrepôt et parasite. L'angoisse te pousse ou te paralyse. Jette ton bout de paraffine, route jusqu'à la racine. Ouvre le parapluie, fou comme Bernie, je bouffe le canari. C'est rouge et ça coule de ta narine. Je m'étouffe, THC gaz carbonique. Mais pousse pas le vice jusqu'à la CC narcotique. Je m'essouffle, suis-moi si t'aimes bien, suis un petit peu. Toute cette inactivité va finir par me tuer à petit feu. Je veux faire plein de trucs, en fin de compte, je fais rien. L'important c'est d'avoir un but, je suis loin du compte, je sais bien. Affronte, qu'est-ce qui te retient? Regarde ce monde, c'est le tien. Le shit monte, l'effet vient, on est bien. Dans les vapeurs toxiques, la vie part en fumée. Dans les vapeurs toxiques, envie de tout brûler. Dans les vapeurs toxiques, on a les limites qu'on se fixe. Je suis scotché, accroché, faut que je me réveille avant de m'asphyxier. Dans les vapeurs toxiques, ça pue la mort comme l'or du Vatican. Vapeurs toxiques, guerre et paix, crime et châtiment. Vapeurs toxiques, on pousse les risques jusqu'à l'accident. Vapeurs toxiques. On est libre de nos mouvements, prisonniers dans nos têtes. Est-ce que la réussite sourit souvent? J'ai un droit et honnête dans ce monde de gros traîtres. Corruption, manigance, cupidité, arrogance et futilité. Ignorance et stupidité, pas d'indulgence ni d'humilité. Je vais te donner mon avis, le seul jugement que j'attends est censé se passer après la vie. Lucide et naïf, génie Merconi AX. M'appelle pas Kaïd mais Kaïl, que de la musique à mon actif. 1, avec la foi, 2, en vitesse, je remonte mon avenue. Je dis 1, merde au show business. 2, gloire à l'art de rue. 3, qui vivra verra. Si t'es venu, t'as vu, je crois. Dans cette affaire, y'aura ni vainqueur ni vaincu, que des victimes du système. Et si j'étais aussi victime de moi-même? Et si j'essaie de vivre, voilà de quoi je suis coupable. Et de quoi d'autre? Tous les yeux sur moi comme si j'étais Tupac ou dans l'off. Je suis parano comme tous ces cinglés bâches. Et alors, de ma bouche coule un filet de barbe. Ah d'accord, je voulais être cool, mais des enculés me narquent. Et ma bord, ce sont ces bâtards des forces de l'ordre. On y est dans les vapeurs toxiques. La vie part en fumée. Dans les vapeurs toxiques. Envie de tout brûler. Dans les vapeurs toxiques. On a les limites qu'on se fixe, je suis scotché, accroché, faut que je me réveille avant de m'asphyxier. Dans les vapeurs toxiques, ça pue la mort comme l'or du Vatican. Vapeurs toxiques, guerre et paix, crime et châtiment. Vapeurs toxiques, on pousse les risques jusqu'à l'accident. Dans les vapeurs toxiques, celui qui croit que son cul prend de la hauteur se casse le coccyx. Dis bonjour au nouveau chauffeur, je braque le cockpit. Je me dis fais tes affaires et n'aie pas peur, profite. Y'aura rien pour les dormeurs, don't sleep mec. Je sais que c'est dur, mais il faut vivre sans sombrer dans la folie, ni compter sur des hypocrites. Je suis fautif, est-ce que je vais m'amender ou me lamenter? Qu'es-tu prêt à tenter? Ta liberté, ton moral, ta santé, ton âme, ta conscience, ton amour, ta confiance. Sur un coup de tête, tu peux tout perdre. Qu'est-ce qui te reste à part beaucoup de dettes? Tranche, écoute net, je planche. Écoute chef, si je flanche, faut pas que je scie la branche. On me dit reste cool mec, maudissez la vie jusque dans votre sommeil. Sur les braises, ça s'attise sous un autre soleil. Temps critique, tiens le coup sans reculer. Devant les malheurs chroniques, qu'est-ce qui me retient de hurler? Dans les vapeurs toxiques, la vie part en fumée. Dans les vapeurs toxiques, envie de tout brûler. Dans les vapeurs toxiques, on a les limites qu'on se fixe. Je suis scotché, accroché, faut que je me réveille avant de m'asphyxier. Dans les vapeurs toxiques, ça pue la mort comme l'or du Vatican. Vapeurs toxiques, guerre et paix, crime et châtiment. Vapeurs toxiques, on pousse les risques jusqu'à l'accident. Vapeurs toxiques. Dans les vapeurs toxiques, la vie part en fumée. Dans les vapeurs toxiques, envie de tout brûler. Dans les vapeurs toxiques, on a les limites qu'on se fixe. Je suis scotché, accroché, faut que je me réveille avant de m'asphyxier. Dans les vapeurs toxiques, ça pue la mort comme l'or du Vatican. Vapeurs toxiques, guerre et paix, crime et châtiment. Vapeurs toxiques, on pousse les risques jusqu'à l'accident. Vapeurs toxiques, vapeurs toxiques, vapeurs toxiques, vapeurs toxiques. Vapeur toxique, vapeur toxique, vapeur toxique, vapeur toxique, vapeur toxique. To this pollution. Oh, oh, oh. car parts gone up. And me can't take the fuss, Lord. And there has got to be a solution to this pollution. Yeah, gotta find a solution to this pollution. The growing, gotta find a solution to this pollution. Ah, Il est plus intelligent que lui. Il se croyait le plus fort de tous. Il a eu plus fort que lui. Il se croyait le plus grand doubleur. Il a eu le roi des doubleurs. Bye bye. Ennemi, je l'avais pourtant prévenu de la déception de mon peuple. Arrivé comme un héros, il est reparti à zéro. Je l'avais pourtant prévenu de la présence de vos tout. Bye bye, nous balaya, un peu plus fort. On vient de se faire un bon bloc là. La Rage au corps en vinyle de Brigada Flores Magón. There Will Be Blood, le nouveau Sum 41. Vapeur toxique de Don Choa. Et on a fini, ça, on a écouté deux reggae à la suite. C'est très rare dans cette émission. The Poor Man Feel It de Peter Tosh. Et on a fini en live avec le balayeur de Tikenja Fakoli. On continuera avec une autre nouveauté. Ouais, un peu rap. Ouais, cette semaine, il y a un peu de relâchage de rap. Grand rêve, grande boîte. Le nouveau I Am. C'est sur l'album Révolution. Leur 8e album sorti le 3 mars 2017. On retrouve depuis longtemps, Bad Karma et la Lune, c'est le Soleil des Loups, notamment. Un excellent album. On poursuivra avec C'était les Shérifs de Les Crétins des Alpes. C'est sur l'album Chevalier Crétin, sorti en 2016. On retrouve Rastafarian Rasta à la Maison, Drogman et le Tueur de Rongeurs. Ils viennent de sortir un DVD CD live, Jouer dans ta ville. Allez faire un tour sur la page Facebook de Les Crétins des Alpes. Viendez liker et surtout partager. Et si vous le voulez, le DVD, demandez à Droop, Serge Santi. On continuera ensuite avec MH de CES de Massisteria. C'est sur l'album Le Bien-être et la Paix, leur premier album sorti en 1997. On retrouve Knowledge is Power, Donnez-vous la peine et Respect to the Zen Floor. Il a eu 20 ans dernièrement cet album et toujours aussi efficace. On continuera avec une nouveauté originale, le nouveau Scaramucci. C'est sur l'album Dancehall President sorti le 13 mai 2016. On retrouve Number One, Turn It Up Loud et Ragamuffin School en duo avec Yannis Sodoa. Un excellent album. Et on finira ce bloc avec Black Bart et le titre Ce soir en live. C'est extrait d'un album à venir, des nouvelles très très vite. Allez faire un tour sur la page Facebook de Black Bart. Thank you. Le présent nous étrouve. Pourquoi marcher tête basse? Le soleil brille pour tous et jamais ne s'efface. On m'a trop dit de changer, que je mettais mon avenir en danger. Leur boniment dans les grands sacs, j'ai mis les grands rêves dans les grandes boîtes. Ma caravane passe, les tocards rêvent d'arracher la joie de vivre à coups de tocaref. Sauf si pour eux tout ça s'écrit d'un trait en bas du chèque pour se payer une grosse cylindrée. Les soucis qui vont avec et la peur du destin insipide. Comme la conscience, tout ça se nettoie pas au liquide. Ces regards noirs jetés au-dessus des épaules. Y'a que les plaques de peau séchées aux gouttes qui décollent. Si ce n'était que les élèves en cours qui déconnent. Les fondations des rêves plongent au cœur des écoles. Quelques profs ont glorifié mes défaites. L'immense majorité rangeait mes ambitions pliées dans une boîte d'allumettes. Étalonnées de 0 à 20. Ma vie une série où je défie leurs louches à la fin. Leurs prédictions sur mon futur destiné aux cabanes. Elles ne valaient pas mieux que celles de Paco Rabanne. À tous ceux qui juraient que le rap était notre passade. Hello, c'est moi, bang, ho, la rafale. Je garde encore mes délires d'ado. 30 ans après, aucune aiguille ne pique ma peau. Sans courte échelle pour le nirvana, on y va par nos propres moyens. Et tant pis si je chute en chemin. Chaque jour est une grande date, on met les grands rêves dans les grandes boîtes. Le présent nous éprouve, pourquoi marcher tête basse? Le soleil brille pour tous et jamais ne s'efface. On m'a trop dit de changer, que je mettais mon avenir en danger. Leur poniment dans les grands sacs, j'ai mis les grands rêves dans les grands. Monsieur Mussard, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Voilà ce qu'on me disait. À peine quelques centimes, c'est ce qu'ils auraient misé. C'est vrai, j'ai rarement révisé. Vu que je tenais pas en place, j'avais un peu de mal à me focaliser. Toujours dans les nuages, sur le carnet, voilà ce qui se lisait. Trop d'énergie, ils n'ont jamais su la canaliser. De toute façon, je visais pas l'Elysée. Juste un petit gars comme tous les autres, sur une route même pas balisée. Ils m'ont dit garde les pieds sur terre ou tu vas t'enliser. Et pendant un temps j'y ai cru, puis je me suis ravisé. Ici-bas on t'apprend à suivre, pas à te réaliser. Les songes attendent que les jours reviennent pour les carboniser. J'ai confié les miens aux alizés. Je les ai chéris, sacralisés. Puis, comme un G.I. dans la visière, j'ai remonté les manches, ajusté la visière. Et c'est devenu clair comme de l'eau minéralisée. J'avais des buts et ce jour-là j'ai osé les viser. Je voulais pas être une jeune pousse qu'on oublie d'arroser. Qui pour survivre devra se contenter de gouttes de rosée. Aujourd'hui encore j'entends leur sarcasme. Chacune de mes phrases un retour de flamme. Et chaque jour est une grande date, on met les grands rêves dans les grandes boîtes. Le présent nous éprouve, pourquoi marcher tête basse? Le soleil brille pour tous et jamais ne s'efface. On m'a trop dit de changer, je mettais mon avenir en danger. Le boniment dans les grands sacs, j'ai mis les grands rêves dans les grandes boîtes. Mais j'ai rêvé de faire plus que je ne pourrai jamais. On est les crétins des Alpes, en direct sur Vampire Freaks. Un jour, Jack m'a rapporté un CD des shérifs. J'ai pas vraiment apprécié, j'avais fumé un spliff. J'ai trouvé ça transpiré, ouais toujours un peu pareil. Des mélodies pour carte vermeille. C'était les shérifs. Ouh, ah, qui envoyait. Ouh, ah, vous investis. Ouh, ah, de Montpellier. Le référent m'a rencardé dans un bar à Toulon. J'aurais dû me méfier de Marshall dans le fond. Mes tympans les sourciliers, je suis resté sourd une semaine. Depuis j'entends le bruit des abeilles. C'était les shérifs. Ouh, ah, qui envoyait. Ouh, ah, plus investis. Ouh, ah, de Montpellier. We'll be right back. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Yes, I light it up. Start it up, turn it up. Originality. Lord of mercy. Mandin Kaskaramochi. Will in come the musical thing called originality. Some boy them a carbon copy. Go back to the printer. Hey, yo, when me say come original, you have to come original. Tell them Scaramucci, Mandin can no partial. Original, you have become original. Full up on lyrics and me love up the pretty girl. Come original, you have become original. Tap out on your band, you couldn't be me rival. Come original, you have become original. Ram your dance all the rock and nothing official. Anywhere we go, anywhere that we play. For we mash up dance all every night and day. Rock a muffin, Scaramucci, rock a muffin DJ. For me lyrics, them bad like IKEA spray. For me lyrics, them me write and me lyrics, me tie. Me shoes and if me crash and get bruised, then I dot me choose. Me coulda drive on a cruiser, informer must lose. Them love carry noose and me bust the two twos. And me out them fuse and me them a fi accuse. Them want fi charge me for murder, even drug abuse. Them love imitate me, call them pirate. So now me step out, now fi set things straight. Tell them them can't enter in at the dance gate. Better stop and wait and start originate. Come and say, come original, you have to come original. Tell them Scaramucci man, they can no partial. Come original, you have to come original. Full up on lyrics and me love up the pretty girl. Come original, you have to come original. Transmitter. People are say we tune bad and sick. Take it from Scarra and the one near my dink. Come when we hold the mic, it coming like a magic. Our lyrics hit the fire like an automatic. Lyrics were incredible and fantastic. If a boy try a thing, it a go in a drastic. Me original, me put me heart in a in. And write good lyrics, we please the public. To uplift the people that are the talking. Every tune where we write it, a fi be a classic. Original, you have to come original. Tell them Scaramucci man, they can no partial. Come original, you have to come original. Full up on lyrics and me love up the pretty girl. Come original, you have to come original. Tap out all your bad, you couldn't be me rival. Come original, you have to come original. Ram your dance and the rock, I'm a fin official. You see me? To be original, tell them that no come easy. Say them now, believe we. Original style. See me? Vous êtes toujours dans la 78e Vampire Freak, si c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un bon bloc là. Grand rêve, grande boîte, le nouveau I Am. C'était les shérifs de l'écrétin des Alpes. MH2CES de Massisteria. Original, le nouveau Scaramucci. Et on a fini ce bloc en live avec ce soir de Black Bart. Allez sur la page Facebook de Black Bart. C'est tout simplement excellent. On continuera cette émission avec un double live. Un début de bloc live et un fin de bloc live. On commencera tout de suite avec Getting Hot en live de Runaway. C'est sur Live in Japan, sorti en 1977. On retrouve Queens of Noise, All Right You Guys et Cherry Bomb, un album d'anthologie. On poursuivra avec Génération de Guérilla Poubelle. C'est sur l'album Punk égale Existentialisme, leur deuxième album sorti le 29 octobre 2007. On retrouve Punk is not a job, la drogue c'est de la merde et le travail rend libre. Il me manque, moi, les Guérilla Poubelle, pas à vous. On continuera avec Son Son de Soulfly et Sean Lennon. C'est sur l'album Primitive, leur deuxième album sorti le 25 septembre 2000. On retrouve Back to Primitive, Mulambo et The Prophet, un album qui vieillit vachement bien. On continuera avec Take Me to Jamaica de Ziggy Marley. C'est sur l'album Family Time, sorti le 5 mai 2009. On retrouve I Love You Too, Cry Cry Cry et This Rain de Bob Marley, un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Skinhead Girl de Dio Prest. C'est sur l'album Live, sorti en fin 2016. C'est le seul album live. Ils ont décidé d'arrêter suite aux problèmes de santé du chanteur, mais ça reste quand même excellent. Allez sur la page Facebook de Dio Prest quand même. We'll be right back. carriériste, préfabriqué, conforme, sur la prochaine élite fasciste. Le monde de l'abondance, sous la victoire de l'ignorance, la seule liberté dans la danse. Génération Adidas, prête à se vendre pour avoir sa place. Génération porte à la tâche. Le jeune est la plus belle conquête du hamburger et d'internet. Il court sur la route tracée du superflu condition. Chante sans l'illusion de leurs envies, le plaisir dirige leur vie. Il n'y a plus de misère, juste le fric et la beauté de dictature supermarché. Génération Adidas, prête à se vendre pour avoir sa place. Génération morte à la table. Génération Adidas, prête à se vendre pour avoir sa place. On vous suit déjà à la trace. One, two, three, four. Sometimes I don't want to face life. Sometimes I feel empty inside. But every moment is precious. Despite some form and I scream at the sky. It beats so hard but I can't let it die. Turn my head up, looking at the stars. So many years, still wonder where you are. Despite myself up and I scream at the sky. It beats so hard and I ask myself why. Turn my head up, looking at the sun. Waiting so long, it's time to move on. Move on. Look at the sun. Sky, another day, another sign, and every moment is precious, and everything will turn to dust. And I scream at the sky. It beats so hard, but I can't let it die. Turn my head up, looking at the stars. So many years, still wonder where you are. Dust myself up and I scream at the sky. Every day I ask myself why. So much pain pouring from his eye. Above me I feel the spirit fly. Turn to

one. On vient de se faire un bon bloc, Getting Out de The Runaways en live, Génération de Guérilla Poubelle, Son Song de Soulfly et Sean Lennon, Take Me to Jamaica de Ziggy Marley et Skinhead Girl, nouveauté live de Dio Prest. Cette 78e Empire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Mais voilà, je voulais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, donc le samedi 18 mars à la Maison pour tous de Shadrach. Il y a le Shadrach Metal Fest du collectif de Pierre dont l'émission est partenaire. Je vais faire une émission spéciale, c'est pour ça qu'il n'y aura pas une spéciale 80 j'aurais prévu au départ, ça sera une spéciale 79e, spéciale collectif Œuvre de Pierre. Donc on retrouve aussi Ozzy, Tribute to Ozzy et Black Sabbath, Best of Metallica, Tribute to Metallica, et un petit groupe que j'ai pas encore entendu jouer mais qui m'a demandé gentiment de l'enregistrer avec les moyens du bord, c'est le groupe MAD. Rendez-vous donc le samedi 18 mars à Shadrach à partir de 20h30. Il y a les préventes et tout. Sinon, cette émission touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Si vous êtes un groupe, n'hésitez pas, contactez-moi sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site archive.org. On finira cette émission avec une exclue et une nouveauté. C'est Hacket Fight de Jagger Jack. C'est extrait d'un album à venir. Des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Jagger Jack. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! Et longue vie au collectif de l'œuf de pierre! À la semaine prochaine!